Maman est si fière de moi. Je me regarde encore dans la glace. Mes principes sont très importants. J'ai les cendres de mon meilleur ami dans un vase. On aura le sourire si tu tends mon ami. Si tu penses le contraire, tu te trompes. Un 9 mm sur ta tempe. Un bouquet de fleurs sur ta tombe. Dis-moi qui pense me connaître. Même la daronne n'a jamais cerné son bébé. L'argent facilite mon ami. Et voilà qu'elle va me donner son corps sans m'aimer. J'ai cherché le bonheur de tout part. Frérot, j'ai senti la chaleur du diable. Enterre-moi au bled si je meurs. Je suis un des aides, j'ai la couleur du jack. Ils appellent du monde pour de l'aide. J'ai plus de cœur comme un vendeur de crack. Y'a que des fils de pute, des salopes et des traîtres. Tu veux des problèmes, petit, mets-toi au rap. On va les baiser à vie. Chargeur rempli pour la mif. Donne-moi une bouse qu'à semaine ma gueule. Et je ferai visiter l'enfer à vivre.